Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, chapitre 2 du troisième traité, Grâce conférée à Marie. Nous avons vu jusqu'ici ce que Marie n'est pas, il nous reste à examiner ce qu'elle est, nous avons donc à traiter de ses qualités positives. Nous ne parlerons pas de ses avantages corporels, ni de son illustre origine, ni d'autres mérites extérieurs. Marie ne fit aucun compte de toutes ces choses, c'est une raison pour que ses enfants y attachent aussi peu d'importance. Toute la gloire de la fille du roi lui vient de l'intérieur. Psaume 44, 14. On rapporte des choses étonnantes de sa beauté corporelle, mais c'est avec peu de fondement. Selon moi, on doit dire que Marie reçut un extérieur accompli, mais loin de Marie cette beauté efféminée, que pourtant nos artistes lui attribuent si souvent, et que notre goût dépravé aime à se figurer. Laissons donc tout cela de côté, traitons de sa beauté intérieure, seule digne d'être estimée, seule capable de nous rendre agréables aux yeux de celui qui est le juste appréciateur de toute beauté. Et puisque la grâce, qui est comme la racine de toute solide vertu, est aussi la source de toute vraie beauté, parlons maintenant de celle qui a été conférée à Marie, et ensuite nous traiterons successivement de ses sublimes vertus, tant cardinal que théologal. La grâce que Dieu confère à l'homme peut être de deux sortes, l'une est la grâce dite par les théologiens gratis data, qui comprend certains dons surnaturels, l'autre s'appelle grâce sanctifiante. La différence entre ces deux sortes de grâces se tire de la fin pour laquelle elles sont accordées. Les grâces que nous désignerons simplement sous le nom de dons surnaturels sont conférées à quelques-uns pour l'avantage des autres, bien qu'indirectement ils puissent aussi être utiles à celui qui les reçoit. La grâce sanctifiante est celle que quelqu'un reçoit pour son propre avantage spirituel, bien qu'elle puisse aussi indirectement concourir à l'utilité du prochain. Nous parlerons d'abord des dons surnaturels, et ensuite de la grâce sanctifiante. Premier paragraphe. Dons surnaturels conférés à Marie. Les dons surnaturels sont en fort grand nombre et ils se trouvent énumérés par l'apôtre. Les dons du Saint-Esprit qui se font connaître au dehors, dit-il, sont donnés à chacun pour l'utilité de toute l'Église. L'un reçoit du Saint-Esprit le don de parler dans une haute sagesse, un autre la grâce de guérir les maladies, un autre le don de faire des miracles, un autre le don de prophétie, un autre le don du discernement des esprits, un autre le don de parler diverses langues, 1 Corinthiens 12, 7 et suivant. Que Marie ait été ornée par la munificence divine de semblables dons, il semble qu'on ne puisse en douter, vu sa condition sublime de mère de Dieu, à laquelle plus qu'à toute autre créature était due la participation des célestes faveurs. Il est vrai que ces grâces ne sont pas données directement pour la sanctification de celui qui les reçoit, mais cependant elles peuvent lui être fort utiles, s'il n'y est pas infidèle par sa propre faute, voire Suarez. On s'en convainc encore par la manière dont les saints pères en ont parlé. Saint Athanase dit que Marie abondait en toutes sortes de grâces, Suarez, ibidem. Saint Bernard est plus clair, il n'est certes pas permis de soupçonner, dit-il, que Marie ait été privée d'une grâce ou d'un privilège, que nous savons avoir été accordé, ne fût-ce qu'à quelques mortels, épître 174. Or il est constant que les dons surnaturels ont été accordés à plusieurs, Donc nous ne pouvons douter qu'il n'ait été aussi le partage de Marie. On ne peut douter qu'elle n'ait eu le don de prophétie, comme il paraît par son cantique, c'est ce que personne ne niera, dit saint Basile. Elle eut aussi certainement le don d'interpréter les Écritures, comme l'assure Origène, et comme l'Église semble l'insinuer, lorsqu'en parlant de Marie elle dit « Sa vie illustre est la lumière de toute l'Église ». En recevant l'Esprit divin plus abondamment que tout autre, elle reçut sans doute la connaissance des mystères spirituels dont elle aura instruit l'Église naissante. Quant au discernement des esprits, Marie certes connaissait parfaitement tous les mouvements intérieurs de son âme. Une onction divine, dit saint Bernard, lui enseignait toutes choses, homélie super missus est, et elle dut discerner aussi dans les autres, quand un mouvement procédait du bon ou du mauvais esprit, qui en effet devait mieux discerner les mouvements du divin esprit que son épouse bien-aimée, qui par suite devait mieux connaître ce qui est opposé à cet esprit. Pour les dons de sagesse, de science et autres, il semble qu'ils n'ont pas dû lui être accordés, parce que ce n'était pas son office de prêcher, c'est ce qu'insinue saint Thomas. Cajetan remarque cependant que saint Thomas veut parler des prédications publiques, et non des instructions particulières que Marie donnait sans doute aux personnes qui la consultaient. Elle reçut donc aussi les dons que l'Esprit Saint accordait pour bien exercer cette fonction. Et le don des miracles, le don d'opérer des prodiges, etc. fut-il accordé à Marie? Saint Thomas répond qu'on ne doit pas en douter, mais que pourtant il ne lui fut pas permis d'en faire usage. La raison qu'il en donne, c'est que, durant le temps des prédications de Jésus-Christ et à l'origine de l'Église, il ne convenait pas que d'autres que Jésus-Christ et les prédicateurs de l'Évangile attirassent l'attention par le bruit de leurs prodiges. Nous pouvons néanmoins, avec Suarez, distinguer trois époques dans la vie de la très sainte Vierge, la première s'étant depuis sa naissance jusqu'à la conception du Verbe divin. Durant ce temps on ne voit pas, et l'on n'a aucun fondement d'avancer que Marie ait opéré des miracles. La seconde comprend le temps qui s'écoula entre la conception de Jésus-Christ et son ascension au ciel, on ignore si elle opéra des prodiges dans cet intervalle. Enfin la troisième s'étend depuis l'ascension de Jésus-Christ jusqu'à sa mort, il est assez vraisemblable, dit Suarez, que pendant ce temps Marie ait fait des miracles en confirmation de la vraie foi. Ce qu'il y a de certain, c'est que Marie opère une infinité de prodiges maintenant qu'elle est dans le ciel, auprès de son Fils, qui lui dit, bien mieux que ne pouvait le faire Salomon à l'égard de Bethsabée, demandez, ma mère, ce que vous voulez que je fasse. Nul catholique ne peut révoquer en doute la puissance de Marie dans les prodiges continuels qui s'opèrent par son moyen, et que les histoires, les ouvrages de l'art, l'univers tout entier nous retracent à chaque pas. Ô Marie, miraculorum abyssus, Jean Damascène, abîme de miracles, je veux un miracle de vous, c'est que mon cœur, qui, comme vous savez, est plus froid que la glace, plus insensible qu'un tronc desséché, plus dur que le rocher, par rapport aux choses célestes, s'amollisse un peu par l'efficacité de cette vertu que Dieu vous a accordée, qu'il se réchauffe, s'enflamme, brûle et se consume d'amour pour Dieu et pour vous, ô ma bien-aimée et ma très aimable mère. Accordez-moi cela, et je serai assez riche, je ne demanderai plus autre chose pour moi en particulier, mais je vous ferai encore une demande en faveur des autres. Oui, Ô Marie, obtenez des grâces abondantes à tous ceux qui se dévouent au sacré ministère, afin qu'ils parviennent par leur discours à convertir tous les hommes, l'univers entier. Faites que les paroles qui sortent de leur bouche soient autant de dards enflammés qui consument tous les vices, qui embrassent tous les cœurs de l'amour de Dieu. Obtenez-leur la grâce d'exercer dignement le ministère de la parole divine, d'expliquer au peuple de la manière convenable les sacrés mystères, de discerner les embûches de l'esprit malin et les inspirations du Saint-Esprit, et, s'il vous plaît, obtenez-leur aussi la grâce d'opérer des miracles pour confirmer la vérité de la foi qu'ils annoncent. Les prodiges, il est vrai, ne se font point pour la conversion des fidèles, mais seulement pour celle des infidèles. Voyez cependant comme le nombre des infidèles s'accroît de nos jours, comme il est petit celui des vrais fidèles. Ah, faites renaître la ferveur des premiers temps, faites renaître ces apôtres qui plantèrent si solidement la foi au milieu des ténèbres de l'infidélité. Ô qui nous suscitera un saint Paul, qui le fera revivre sur la terre. Comme cet apôtre divin, armé du glaive de la divine parole, retrancherait tous les vices du monde, comme l'ardeur de son zèle enflammerait l'univers quelque engourdi qu'il soit, qui fera renaître un Xavier, ô comme il irait, traversant les mers, porter de nouveau la lumière de l'Évangile aux nations lointaines. Un nouveau Paul, un nouveau Xavier, voilà ce que je vous demande, ô Marie. Encore plus, suscitez 10 Paul, 10 Xavier, ils suffiront pour la grande œuvre de la conversion de l'univers. Je ne vous demande que cela, mais je le veux absolument de vous. Vous devez les obtenir au monde, rien ne vous est refusé, pourquoi donc ne pas le demander? N'auriez-vous pas à cœur la prospérité de l'Église? N'auriez-vous pas à cœur le salut des hommes? N'auriez-vous pas à cœur la gloire du nom de Dieu? Ô Marie, je suis insolent, je m'en aperçois moi-même, mais l'aiguillon qui m'excite, me force d'être tel temps que je n'aurai obtenu ce que je vous demande, j'aurai peu sujet de me repentir d'avoir usé d'insolence. Je sais que vous êtes bonne, je n'en ai que plus de hardiesse que n'ose pas un fils à l'égard d'une tendre mère, que ne dois-je pas oser avec vous, ô ma mère, et la plus tendre de toutes les mères. Que ne puis-je attendre de votre intercession? J'espère que vous me pardonnerez ma hardiesse, j'espère, c'est ce qui m'importe le plus, que vous daignerez exaucer les prières d'un de vos enfants, si misérable qu'il soit. Markemdanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.